Rappel. Rappel. Rappel. Je suis Dieu et je ne suis jamais. Rappel. Rappel. Et aujourd'hui et pour toujours le même. Rappel. Rappel. Et n'oublie jamais. Rappel. Rappel. Remember. Je suis Jéhovah, je suis, et je suis capable, je suis. Il n'y a rien trop dur pour moi, c'est jamais trop tard pour moi. Quoi qu'il en soit, je suis toujours le même. Rappel, je suis Dieu et je ne suis jamais. Rappel, rappel. Et pour toujours le même. Rappel, rappel. Et n'oublie jamais. Rappel, rappel. Ah. Dieu d'Abraham, Isaac et Jacob. Je fais vivre les océans. J'appelle la lumière, le monde a commencé. Tu t'appelles. Qui ressuscite le monde. Le premier, dernier, le commencement et la fin. Et je suis toujours le même. Il n'y a rien trop dur pour moi. C'est jamais trop tard pour moi. Quoi qu'il en soit, je suis toujours le même. Quoi qu'il en soit, je suis. Toutes les situations, je suis. Je rappelle toi. Je suis plus grand que les gens disent. Mon cœur rappelle toi. Je reste toujours le même. Mon amour rappelle toi. Tu ne passes pas. Rappel, rappel. Et aujourd'hui et pour toujours le même. Rappel, rappel. Et n'oublie jamais. Rappel, rappel, rappel. Et n'oublie jamais.